de fées en français. Il était une fois un royaume qui était dirigé par un prince qui s'appelait Erol. Et ce n'était pas un prince ordinaire. Oh non, il était le prince le plus parfait qu'on pouvait imaginer. Malin, intelligent, drôle, extrêmement beau. Oui, tout ça. Mais comme chacun sait, personne n'est parfait. Et donc, notre prince si beau avait un secret. Oh, mon si beau visage, comme tu m'as manqué. Oh non, c'est juste le miroir. Oui, la plus grande faiblesse du prince, c'était son visage. Il adorait son apparence. Et d'ailleurs, il privilégiait l'apparence sur tout le reste. Du coup, il méprisait tous les gens qu'il ne trouvait pas très beaux. Cette pièce est vraiment magnifique. C'est peut-être parce que je suis reflété sur tous les murs. Qui est-ce? Bonsoir, votre majesté. Je suis venue vous dire que votre tante Ayla viendra à votre bal demain. Oh oui, mon bal royal en célébration de tante Ayla? Pourquoi vient-elle? Votre majesté, vous êtes là? Oh oui, prépare tout pour elle. Avec plaisir. Oh, et on a aussi préparé votre tenue. Oh, merci. Ah, bon, au moins, j'aurai l'air bien demain. Tante Ayla est une femme tellement mauvaise. Demain, elle va voir combien je suis un bon prince. Le lendemain soir, les nobles de tout le royaume vinrent participer au bal du prince pour danser et s'amuser. Le prince se préparait dans sa chambre. Il enfila sa tenue et réalisa qu'il était encore plus beau que jamais. Oh, mon Dieu, comme je suis beau! Cette tenue rend vraiment mon visage incroyable! Qu'arrive-t-il à notre prince? Il se sent peut-être malade. J'espère quand même que tout va bien. Mais le prince était loin de se sentir malade. Il restait debout dans sa chambre, à admirer son reflet dans les miroirs. On devrait peut-être aller le chercher? Où est mon neveu? Je n'ai vu son Altesse royale nulle part. Oh, Madame Ayla, nous allons justement chercher le prince dans sa chambre. Oh, ne vous dérangez pas. Laissez-moi faire, je gère. Je vais adorer voir mon neveu à nouveau. En fait, la tante Ayla n'était pas une mauvaise personne. Mais elle connaissait toutes les habitudes d'Erol. Et sa vanité ne lui plaisait pas du tout. Et est-ce que je l'ai déjà évoqué? C'était aussi une sorcière. Oh! J'ai vraiment les cheveux les plus beaux du monde! Erol? Tu te regardes encore dans le miroir? Tante Ayla? Que fais-tu ici? Eh bien, tu n'es pas encore descendu nous voir, ce qui est très irrespectueux. Surtout que c'est ton anniversaire. Eh bien, je le sais, ça. J'étais juste en train de faire quelque chose. Elle jeta un coup d'œil vers le miroir qu'Erol tenait à la main. Ce sacré miroir. Très bien, permets-moi de t'offrir ton cadeau d'anniversaire. Car tu sembles adorer les miroirs et la beauté. Tiens, voilà. Elle envoûta Erol, et tandis qu'il ouvrait grand les yeux de stupeur, il se retrouva coincé à l'intérieur du miroir. Quoi? Où suis-je? Non, laisse-moi sortir! Non! Pas avant que tu aies appris à arrêter de t'admirer autant que tu le fais d'habitude, tu as compris? Mais c'est de la folie! Je vais appeler mes gardes et te faire arrêter! Oh, oui, au fait! À partir de maintenant, tu ne seras plus capable de parler de quoi que ce soit en rapport avec le fait d'être prince. Tu ne pourras même pas prononcer mon nom. Tu seras juste le type à l'intérieur du miroir. Pourquoi tu... Et aussi... Pour que le beau prince ne manque pas trop à son royaume, je me suis transformée. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça, tante. Aïe, aïe, aïe, au lit. Je vais au lit. Tu vas au lit. On va tous au lit. Au revoir, mon cher et tendre neveu. Et là-dessus, Errol se retrouva éjecté du palais et dans la maison d'une famille pauvre. Là-bas, une femme le récupéra. Oh! Qui a laissé ici ce miroir? Il est magnifique! Oh! Merci, mon Dieu! Quelqu'un qui peut me sauver! Salut! Salut! Tu peux m'entendre? Mais la femme ne pouvait voir que son propre reflet. Elle ne pouvait pas voir le pauvre prince, coincé et qui hurlait dans le miroir. La femme avait un petit garçon qui travaillait très dur pour pouvoir lui ramener un peu d'argent à la maison. Maman, j'ai ramené un peu d'argent. Quand pars-tu nous acheter un peu de quoi manger au marché? Oh, dans un petit moment, mon cœur. Je suis vraiment mignonne. Les oiseaux devraient chanter des chansons pour moi. Pauvre folle, ton fils a faim et tu ne t'occupes même pas de lui? Mais elle ne pouvait pas l'entendre. Et le prince vit le pauvre petit garçon sortir de la maison en emportant un panier de courses. Cela se répéta plusieurs jours d'affilée, jusqu'à ce que le petit garçon en fût agacé. Ma maman t'aime beaucoup trop. Je devrais me débarrasser de toi, sinon elle retournera plus travailler. Quand sa mère eut le dos tourné, il s'empara du miroir et le jeta par la fenêtre. Il y avait un méchant voleur qui traînait dans le coin. Il vit le miroir et le ramassa. Non ! Et maintenant? Un si joli miroir pour une personne comme moi. Moi, le plus grand voleur du monde. Un voleur? Mais pourquoi je ne tombe pas dans les mains d'une superbe princesse? Le voleur emmena le miroir avec lui partout et Errol put ainsi voir toutes les vilaines choses qu'il avait faites au cours de la journée. C'est qui le voleur le plus génial? C'est moi, voilà qui c'est. Mais tu n'es pas génial, tu es un voleur très méchant. Mais un jour qu'il était en train de courir, il ne remarqua pas qu'il avait laissé tomber le miroir. Un petit garçon vint le ramasser. Oh, comme il est beau ce miroir, il a l'air un peu sale. Je vais le ramener à la maison pour le nettoyer. Ainsi, le petit garçon rentra chez lui et nettoya le miroir. Oh, je peux voir mon... Mais ce n'est pas mon visage. Hé, mon garçon, tu peux m'entendre aussi? Oh, quoi? Oh, tu peux m'entendre, mais comment? Qui es-tu? Tu es un miroir magique? Non, je suis un prin-prin-prin. Oui, je suis un miroir magique. Waouh! Tu peux me donner une crème glacée? Non. Alors, une nouvelle chemise? Non. Alors, en quoi es-tu magique? Eh bien, je parle, non? Cela ne faisait pas rire le garçon, mais il sourit quand même poliment au miroir. Au prince. Comment peux-tu sourire alors qu'il y a tant de saleté et de boutons sur ton visage? Oh, ça, c'est parce que je viens d'aller aider un vieil homme à débarrasser les saletés de son toit. C'est juste de la poussière et je suis content car j'ai pu aider quelqu'un. Errol fut frappé par la réponse du petit garçon. Car même s'il était un prince gentil au fond, il attachait toujours plus d'importance à l'apparence qu'aux autres qualités. Eh bien, maintenant, tu es mon copain et je t'emporterai partout avec moi. Oh, quelle chance! Oh. Au fur et à mesure des jours, le prince remarqua à quel point le petit garçon était gentil. Grand-mère, grand-mère, tiens, un peu de pain pour toi. Mange bien, d'accord? Oh, merci beaucoup, mon petit, merci. Pourquoi as-tu fait ça? Tu n'en as déjà même pas assez pour toi-même et pourtant tu l'as donné à cette femme à l'apparence bizarre. Enfin, je veux dire qu'elle pouvait sûrement s'occuper d'elle-même. Ne dis pas qu'elle a une apparence bizarre. Son cœur est beau et c'est suffisant. Elle achète plein de nourriture en dépensant tout son argent pour redistribuer à tous les gens pauvres de la ville. Et à la fin, il ne reste jamais rien pour elle. Le prince resta silencieux après avoir entendu cela. Il regardait seulement les gens de l'extérieur d'habitude. Mais maintenant, il commençait un peu à voir leur beauté intérieure grâce au temps passé avec le petit garçon. Cette nuit-là, une fois l'enfant endormi, le prince Erol se sentit très mal par rapport à son propre comportement. J'ai seulement pensé à la beauté extérieure et j'ai ignoré les gens dont je pensais à tort qu'ils n'étaient pas beaux. Tout le monde est beau quelque part, peu importe ce à quoi il ressemble. Et à cet instant, le prince tomba du miroir. Il venait de réaliser ses erreurs et s'était par là même libéré de la malédiction de sa tante. Je suis libre. Je peux rentrer chez moi maintenant. Il sourit en voyant l'enfant qui dormait et s'en alla. Il arriva peu après au palais. Oh! Votre Majesté, mais il me semble vous avoir vu à l'instant. Quoi? Non, finalement je suis allé faire une petite promenade dehors. Même le rouge à lèvres lui va bien avec son joli minois. Tante Ayla, je suis de retour. Oh, mon Dieu, déjà? Je pensais que j'allais pouvoir profiter un peu plus longtemps de mon rôle de dirigeante. Oh non, pas la peine. J'ai bien appris ma leçon, alors merci. Maintenant, tu pourrais, s'il te plaît, te transformer en toi-même. Ça ne me plaît pas vraiment de me voir avec du rouge à lèvres. Quelle surprise de t'entendre dire ça! Elle reprit son apparence habituelle et le prince soupira de soulagement. Il y a juste une chose que je ne comprends pas. Comment le petit garçon a pu m'entendre? C'est sûrement parce que les deux autres personnes ne voyaient pas plus loin qu'elles-mêmes. Le petit garçon, cependant, se souciait tellement des autres qu'il a entendu ta voix sans difficulté. Allez, au revoir! Au revoir, tante Ayla. Oui, ça a l'air logique. Attends, mais comment elle savait ça? Le prince se mit alors à diriger son royaume d'une bien meilleure façon. Il remercia le jeune garçon d'une belle manière, ce qui provoqua chez lui une grosse surprise. Le prince s'était débarrassé de sa mauvaise habitude et maintenant, quand il se regardait dans le miroir, son sourire venait directement du cœur.